Urban Comics profite de l'arrivée du DCU pour relancer son offre en kiosque. Justice League Univers numéro 1 est donc sorti en ce début de mois de mars et je vous propose de voir ensemble son contenu. On commence avec un extrait du Free Comic Book Day 2015 intitulé Divergence, qui est un prologue à la guerre de Darkseid. Guerre de Darkseid qui s'étend également dans le gros numéro de Justice League, le numéro 41, qui est un numéro double d'un peu plus de 40 pages. On est pour le moment clairement dans l'exposition de l'intrigue, les pièces se mettent en place petit à petit. Une guerre de Darkseid qui promet d'être épique, spectaculaire, surtout grâce au dessin de Jason Fabok qui est en très très grande forme et qui signe vraiment des planches incroyables sur ces 40 pages de Justice League 41. Tout le monde semble avoir un rôle à jouer dans cette guerre à venir. Les pièces se mettent en place, je vous dis. Pour le moment, on n'est pas encore dans le climax de l'event, on n'en est qu'au départ. Mais tout ça s'annonce évidemment très prometteur, tout comme la nouvelle intrigue autour de Flash, qui commence elle aussi avec le numéro 41 de la série, au scénario Robert Venditti et Van Jensen et au dessin Brett Booth, qui me permet presque de retrouver ce qu'on avait sur, avec le duo Manapul et Buccellato au niveau visuel, donc c'est très agréable. Quant à l'intrigue, le professeur Zoom arrive. Barry Allen va donc se préparer à faire connaissance avec Zoom, le super vilain qui est présenté comme hyper menaçant, très dangereux et qui semble être connu par le père de Flash, c'est ce qu'on va apprendre dans cet épisode, puisque Barry va aller lui rendre visite en prison pour lui indiquer qu'il en a appris un peu plus sur la mort de sa mère et qu'il va peut-être enfin pouvoir innocenter son père. Et à l'évocation du nom de Son, le père de Barry change complètement de comportement. Et on va suivre en parallèle évidemment l'arrivée de Zoom, l'enquête de Barry sur des affaires a priori basiques mais qui vont l'amener à croiser son futur grand adversaire, mais également la manière dont Henry Allen gère les choses, et on n'est pas à l'abri de surprises. Cet épisode est assez surprenant quant à la tournure que ça prend, notamment concernant Henry, et j'ai vraiment envie de découvrir la suite. Une belle introduction très très solide pour cet arc autour de Zoom. On continue avec Green Arrow numéro 41, qui est l'occasion pour l'Archer Vert de prendre un nouveau départ assez salutaire suite au précédent run catastrophique. Benjamin Percy et Patrick Zircher reprennent le destin de Oliver Queen en main et le placent au cœur d'une intrigue durant laquelle on va découvrir que des personnes disparaissent dans la ville, notamment dans un quartier un peu malfamé dont personne n'a affaire. On n'entend pas vraiment parler de ces disparitions dans la presse, de ces morts qui sont de plus en plus nombreuses. Le mystère est assez épais. Nul doute que Oliver Green Arrow va se charger de tenter de le résoudre. Un personnage assez mystérieux qui traverse aussi l'épisode et qui s'annonce donc comme l'adversaire de Green Arrow pour cet arc, personnage mystérieux et qui a l'air assez intéressant lui aussi. De manière générale, Benjamin Percy reprend des éléments du run de Jeff Lemire, le meilleur run pour le moment sur le personnage depuis le relaunch des New 52. Et voilà, il reprend des éléments, notamment la demi-sœur et quelques autres choses comme ça. Et donc la parenthèse du run précédent est enfin refermée, semble-t-il, et on se dirige vers un Green Arrow en continuité avec ce que Lemire avait proposé, et c'est plus que bon signe. Quant à la prestation de Patrick Zircher au dessin, évidemment, ce n'est pas du Andrea Sorrentino, mais c'est quand même très solide et ça colle bien à l'ambiance de l'histoire. Donc là aussi, c'est positif. On termine avec Wonder Woman, numéro 41, qui est la seule série à ne pas avoir droit à son sneak peek dans ce numéro. Un numéro de transition après l'offensive de Derrick Noé et de Donna Troy, durant lequel Wonder Woman va notamment avoir un nouveau costume. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est justifié par le scénario et par cette nouvelle volonté de Wonder Woman de repartir à zéro. Donc c'est plutôt intéressant quand ce changement est justifié. Après voilà, l'histoire ne commence pas encore vraiment, ça décolle dans les dernières pages, donc c'est trop faible pour pouvoir dire que l'arc va être bon. Comme le premier arc, voilà, je suis pas hyper convaincu par ce que les Finch font sur Wonder Woman. Personnellement, je dirais la suite parce que ça fait partie du magazine, mais c'est clairement la partie la plus faible de ce Justice League Univers numéro 1, qui obtient une note moyenne de 14.3, ce qui en fait plutôt un bon magazine. N'hésitez pas vous aussi à donner une note à ce Justice League Univers numéro 1 sur comicstories.fr et même à laisser votre avis en commentaire de cette review. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine chronique.